Avant de faire une dernière pause musicale et d'attaquer ton premier débat qui sera sur le show business, Goldorak, quand même, comme chaque jeudi en début d'émission, tu vas nous faire un petit compte-rendu du débat de la semaine dernière. Bonsoir Goldo. Bonsoir Goldorak. Salut Francky, salut GG. Tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Bien. Ouais. Alors, avant les petites statistiques, vite fait, tu sais, je sais pas si tu te souviens, j'avais accès à des dossiers un peu confidentiels, tu sais, notamment sur le clonage et compagnie. Exact. Gérard, tu sais, le dossier 1GG, c'est caca. Et là, j'ai de nouveau mis la main donc sur un dossier confidentiel, c'est le dossier G1QI20. Et qui parle d'une grande opération internationale franco-suisso-américaine. Donc on y apprend que la France, la Suisse et les États-Unis coopèrent actuellement sur une série de projets scientifiques top secret. Alors le SGEG, c'est-à-dire donc surveillance des Gogol et Gérard qu'on connaît bien, le ZOB, donc c'est le truc américain, le Zoological Observation Bureau, donc le ZOB et le CACA, le centre animalier de clonage artificiel, donc ça c'est aussi. Se sont associés afin de solliciter la collaboration de Gérard de Suresnes dans leur collecte de substances rares et quasi introuvables. Le but de cette collecte est de réunir une série de produits permettant la création de substances chimiques pour divers usages. Ainsi, les plus grands chercheurs mondiaux demandent la coopération de Gérard de Suresnes pour qu'il puisse prélever les éléments suivants. Alors, premièrement, des extraits de ses cheveux, car, très riche en graisse, on le savait, on peut en extraire une huile à frire utilisée dans la cuisine asiatique. Nous projetons aussi de créer avec cette graisse un nouveau produit pour farter les skis, une nouvelle graisse à traire pour les éleveurs de bovins, ainsi qu'un lubrifiant pour les saillies de taureaux. Nous aurions aussi besoin d'échantillons de son haleine et de sa transpiration afin de créer un insecticide auquel même les insectes les plus coriaces comme les cafards ne pourront résister. La salive de Gérard de Suresnes pourrait nous servir pour fabriquer un puissant détartrant grâce à son action corrosive. Nous pourrions également utiliser les crottes de nez de Gérard de Suresnes comme combustible dans les réacteurs nucléaires. Alors ça, faut voir. Hein. Non mais... Attends, GG, de plus. Tu peux laisser le statistique de la semaine dernière, tu t'amuses pas à dire des conneries, d'accord? Non mais tu commences pas à dire tes conneries comme ça. Bon, moi je vais te dire, parce que sinon tu vas dégager au standard, vite fait bien, baisse un peu le micro, Gérard. Dis-moi une chose. Voilà. De plus, donc, 3 gouttes d'urine de Gérard de Suresnes diluées dans 10 litres d'eau donnent un puissant débouchiote grâce à ses propriétés acides. Enfin, nous pourrions utiliser des sous-vêtements sales de Gérard de Suresnes. En effet, une fois infusées, les traces de pneus de Gérard de Suresnes fournissent un liquide qui est utilisé comme sérum de vérité par la police. Soit les coupables avouent, soit ils boivent l'infusion. Alors, les traces de pneus, tu me diras où que j'irai chercher une voiture, d'accord? Ok. À noter que Gérard de Suresnes pourrait aussi nous servir pour étudier toutes les déficiences mentales et les tares de l'espèce humaine. Ceci pourrait être l'objet d'une étude ultérieure dans un prochain dossier. Ouais, ok. Tu peux vachement l'étudier, ton dossier, et en demandant ton heure, salut. Hein. Ah, mais c'est pas moi, c'est le SGEG, le ZOR. Ouais, c'est ça. Et ta connerie, elle n'en fait pas partie dedans. Ah, bravo, GG. Je crois qu'elle en fait partie une bonne paire. Hein. Partie une bonne paire? Ouais. Ouais. Ouais, mais alors, ça y est, c'est bon? Tu veux des petites statistiques? Bon, non, bon, tu alors, veux... alors, vas-y, on va. Goldorak, quelques petites statistiques, et ensuite, en plus, j'ai une lettre à lire de la part de monsieur Jacques Verge, avocat des stars des causes perdues, avocat du barreau de Paris, et président du club des fumeurs de gros cigares. Alors, j'ai fait des petites statistiques au passage sur le show business et les queues de cheval aussi. Alors, Gérard, à propos donc du showbiz, 37% des gens sont pour les bises. Mmh. 31% des gens préfèrent le froid au chaud, ouais. Si ça t'intéresse. Ouais. 28% des gens pensent que Gérard aime le zobisness. Non mais attends, on te demande un statistique attends, la semaine dernière. On ne demande pas celui de cette semaine. Le zobisness. 28% pensent que Gérard dans le zobisness. C'est parti aussi du show beat. Et non pas du showbiz. Ouais. Et toi, tu fais partie de la bande des rois des cons, comme tous ceux qui s'amusent à m'envoyer du courrier bidon chez moi. On en parle après, Gérard. Qui continue. 7% des gens seraient prêts à sucer Gérard de Suresnes pour entrer dans le showbiz. Et enfin, 1% des gens pensent que les femmes devraient arrêter la drogue et l'alcool pendant la grossesse parce que ça endommage le fœtus, n'est-ce pas, GG? Non, là, pas du tout. Sur les queues de cheval, 29% des gens préfèrent les bites de poney aux queues de cheval. Ouais. 22% des gens pensent que Gérard, on a dû en sucer de la queue de cheval à la loco. 17% des gens préfèrent les couettes au queue de cheval parce que ça tient plus chaud. 14% des gens pensent que Gérard est trop dilaté du derrière à cause des queues de cheval. Mmh. Et 2% des gens pensent que Gérard est champion du monde de pousse-cacasse. Et toi, t'es champion du monde du roi des conneries. Ouais. D'accord. Et voilà, il t'a cassé, Goldo. T'es champion du monde des conneries, tu vois. Ouais. Ouais. Parce que là, pour l'instant, c'est que des conneries que t'es en train de raconter. Alors. Oui, pas tout à fait. Il y a quelques trucs à vérifier. C'est possible qu'il y ait une phrase ou deux depuis tout à l'heure que tu aies dit qui soit vérifiée. Champion du monde de pousse caca, quand même. Goldorak, on a reçu un courrier avant que Gérard parle du courrier qu'il a reçu chez lui, qu'on m'ait indiqué qu'on commence le premier débat. Donc, la lettre de Monsieur Verge. Monsieur. En référence à l'émission de radio du 13 novembre 97 vers 1h du matin, où des propos tels que Patrick Chen est un con, c'est vrai que tu te souviens l'avoir dit, et les journalistes sont aussi cons que les paparazzis, je vous cite, ont été cités, je vous écris afin de vous mettre au courant que Monsieur Patrick Chen a été choqué par vos propos et a décidé de mener une action de justice, c'est-à-dire que Patrick Chen apparemment écoute l'émission. En tant qu'avocat de Patrick Chen, qui n'est pas un gland, et tous les journalistes d'ailleurs aussi que tous les paparazzis, je me suis permis de conseiller une autre alternative à mon client Patrick, aussi mon ami. Nous exigeons que vous fassiez des excuses publiques à l'antenne alors que votre prochaine émission, c'est-à-dire le jeudi 20 novembre, au début de la prise d'antenne. De plus, par rapport à ce qui a été dit au BVP, donc le Bureau de Vérification de la Politesse, il semblerait que vous soyez quelqu'un d'extrêmement vulgaire et impoli envers vos auditeurs, ainsi que qu'il serait utile que vous leur fassiez aussi des excuses. J'espère donc que quelqu'un d'intelligent que vous êtes, que vous ferez quelque chose de meilleur pour vous. Sinon, ça va saigner, bordel de merde. Monsieur Gérard, je ne vous salue pas. Signé Maître Verge. En ce qui concerne la politesse, Gigi, j'ai encore les statistiques de la semaine dernière qui le prouvent. Non, mais ça, j'en ai rien à foutre de ton truc, parce que pour moi, c'est... Tu l'as dit 19 fois, par exemple. Mais alors, c'est des conneries, tout ce que tu es en train de me dire. Non, quand il insulte, ça, c'est des statistiques qui ont lieu direct avec ton débat. Donc, si tu dis « va te faire foutre 10 fois », oui. On a 209 insultes, soit une toutes les 43 secondes, bravo, Gigi. Voilà, quand même. Merde, 6 putains, 21 connards, 11 conneries, 9 fait chier, 4 va te faire foutre, 8 enculés, 18 abrutis, 19 rien à foutre, 3 culs, 1 salope, 3 trous du cul, 2 C'est vrai, mais c'est des trucs que tu dis dans les débats, on a des cassettes, alors on va vérifier quand même, Gérard. Attends, mot salope, je l'ai pas dit la semaine dernière. Tu l'as dit une fois. À quelle auditrice? Ah, j'en sais rien, mais tu l'as dit une fois. Alors, dans ce cas-là, tu relèves bien le nom de l'auditrice, d'accord? T'as que ça à foutre. Il y avait une autre chose que je tenais à rajouter, oui, donc Gérard reçoit du courrier chez lui, qui me fait pas tellement plaisir. Donc Chaperon Rouge et puis toute la bande de la clique à Arnette, Luigi et tout ça, ben je vous prie d'arrêter vos conneries. Parce que là ça commence à bien faire. J'ai reçu encore sur 6 lettres aujourd'hui. Goldorak, tu te tais s'il te plaît, merci. Ouais, comme... Sur 6 lettres aujourd'hui que j'ai reçues, il y en a 5 qui font partie de la bande du Chaperon Rouge, donc signé Chaperon Rouge, mais c'est tapé à la machine et qui savent pas se servir d'une machine, c'est malheureux. Donc alors je préviens que les prochaines lettres, c'est à la poubelle. Ce sera à la poubelle. Alors demain, je tiens pas à recevoir d'autres comme ça dans ma boîte aux lettres. Petit matin, Jean. Donc sinon la semaine prochaine, il n'y a pas de débat. Donc vous choisissez. Alors Tony et puis toute la bande de Chaperon Rouge, eh ben tenez-en sur vos gardes. Et Arnette, je te prie d'être poli sur mon tatou. Ainsi que celui qui se fait passer pour Max en me disant « Ouais, je viens dans les studios pour 19h » alors que Max ne m'a jamais demandé de venir pour 19h. J'ai des excuses pour venir à la radio, ça, GG. Non, tu permets, c'est moi qui reçois les messages, c'est pas toi. Mais ça, c'est toi qui inventes. Alors celui qui s'amuse à balancer mon numéro de tatou sur des magazines Homo Mag ou autre est prié de bien vouloir se faire connaître par l'intermédiaire du Standard. Donc, t'es prié d'appeler, parce que je vais m'occuper de toi ce soir. Voilà, ok. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Manu a travaillé pour toi, et sur le débat dès que tu vas. Merci, Goldorak. Yes, attends, je peux juste rajouter une chose. Très vite. J'avais rajouté, donc, dans les statistiques de cette semaine, j'ai relevé les fautes de français de Gérard, c'est-à-dire de conjugaison, de grammaire, de syntaxe et compagnie. Il y en a quand même 109. Ah ouais, quand même. une minute et 22 secondes. C'est toutes les fautes de français, quoi. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Merci, Goldo.